Mademoiselle ? Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à Brigitte Leduc. Brigitte Leduc ? Ah non, c'est impossible. Il n'y a pas de Brigitte Leduc ici. Vous vous trompez. Ah bon, excusez-moi. Je cherche une dame qui s'appelle Brigitte. La cinquantaine, grande, mince. Elle est brune ? Oui, brune. Un peu frisée, avec des lunettes. Elle s'occupe des emplois jeunes. J'essaie de la contacter par téléphone, mais elle ne répond pas. Elle n'est pas là aujourd'hui ? Si, si, mais elle a une réunion. Et ce n'est pas Brigitte Leduc, c'est Brigitte Ledoux. Ah, d'accord. Je pourrais la voir ? Juste un petit moment, s'il vous plaît ? Je ne sais pas. En principe, elle n'est pas libre. Je peux vous aider ? Merci, mais je préfère parler avec elle. Elle s'occupe de mon dossier pour un job d'été. Un instant, alors. Vous êtes mademoiselle ? Marie Delormand. De... comment ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Je vous appelle, c'est plus facile. D-E-L-O-R-M-A-N-D. Merci. Allô ? C'est toi, Brigitte ? Bonjour. Oui. Une jeune fille. Elle te demande au guichet emploi jeune. Marie Delormand. D'accord. Vous attendez ? Elle va dans son bureau prendre un dossier et elle arrive. Oh oui, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes vraiment très gentil.